Vous êtes à l'écoute du territoire. Le territoire qui nous habite, qui nous habille. Notre peau est un territoire qu'on oublie, un territoire qu'on cache et qu'on dévoile au gré des codes, des règles. Une étendue partagée et naturelle et qui pourtant polarise. Le territoire auquel on s'intéresse aujourd'hui, c'est celui du corps et ce qu'il devient lorsqu'il a découvert. Cette semaine, l'été nudiste, par Florence La Rochelle. Nous vous amenons là où on se met à nu, là où entre le territoire et le corps, il n'y a presque plus rien. Un camp naturiste. Nous y rencontrons des gens animés par une envie de se rapprocher de la nature, choisissant un mode de vie empreint de liberté, mais qui implique aussi son lot de règles. Je savais que pour parler de naturisme, j'aurais à en faire une expérience immersive. Que pour l'aborder sans préjugés et avec ouverture, je devrais me prêter au jeu. Surtout, je voulais pas que mon expérience soit teintée de rires qui cachent le jugement, d'onomatopées qui sous-entendent le dégoût, de questions qui commencent par « je ferais jamais ça, mais… » Donc oui, j'ai été naturiste d'un jour. À 45 minutes de Montréal, le centre naturiste Oasis est situé en périphérie de Terrebonne. Je m'y suis rendue lors de la dernière journée chaude de l'été. 31 degrés Celsius et ciel dégagé. J'ai traversé plusieurs petits villages, longé des rangs, passé des ranchs et des fermes pour enfin y être, centre naturiste Oasis, 100 mètres. Via un interphone, on m'autorise à passer une clôture automatisée à l'entrée du site et j'y suis. La réception droit devant, près de laquelle sont situés un lac et une piscine. Plus loin derrière, les terrains de camping. Les quelques premières personnes que j'aperçois sont habillées, ce qui me surprend. Je me dirige vers la réception pour payer mon accès journalier. L'homme qui m'accueille à la réception a une soixantaine d'années. Il m'explique les règles du centre et m'invite à m'engager à m'y conformer en signant un document qu'il me tend. Il m'invite aussi à aller me stationner près du lac, à me dénuder et à profiter du site. Je sens déjà monter une certaine anxiété à l'idée de devoir me dévêtir. Une fois stationnée, mon angoisse persiste. Pliée en quatre dans mon auto, j'enlève mes vêtements rapidement, presque en retenant mon souffle. Je sors avec un seul objectif en tête, me rendre à la piscine. Par réflexe, je m'y dirige en utilisant le sac dans lequel je transporte le matériel d'enregistrement pour me couvrir, dans un inconfort probablement évident. Je m'installe sur une chaise placée en retrait et j'y passe une bonne heure à attendre de m'être acclimatée à ma nudité. On m'avait recommandé de me baigner d'abord et j'ai rapidement compris pourquoi. La surface de l'eau donne l'impression que le corps y est caché. Je suis déjà plus à l'aise. D'autres personnes pataugent, se baignent, se prélassent sur les chaises longues. Je remarque d'ailleurs que ce sont tous des couples. À force de constater le confort des autres, je commence à me faire à l'idée. Je me dirige vers la réception avec l'intention de trouver Sylvie, la copropriétaire du centre, une femme d'une soixantaine d'années. Tout de suite, je constate son aise. Elle me lance immédiatement « Pis, comment tu te sens? » Le fait qu'elle nomme ma nudité désamorce partiellement mon malaise. Elle s'intéresse à mon expérience et parle de naturisme avec fierté. Pour elle, le nudisme est accessoire au naturisme. C'est un mode de vie comme les autres. J'étais plus vieille que mon cousin. Moi, mes parents ont commencé, j'avais 14 ans. 14 ans, une jeune adolescente, là, ça ne veut pas aller se promener tout nu. Mes parents venaient les fêtes de semaine, quelques week-ends, puis tout ça. Mais j'ai commencé après ça, dans la vingtaine, là, à faire du naturisme. Je venais avec mon mari, mon fils. On a été saisonniers ici. Tu vois, je suis un peu bien portante. Là. Disons que j'ai des bonnes poignées d'amour, comme on dit, là, puis tout ça. Mais ça, ça a été d'abord et avant tout le fait de m'accepter telle que je suis. Parce que... Ça fait donc 30 ans que Sylvie pratique le naturisme. Le contact humain est au centre de sa démarche. Selon elle, pratiquer le naturisme demande une bonne dose d'authenticité. Il n'y a aucun jugement sur le côté physique. C'est ça. OK? On s'accepte tel qu'on est, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit des couleurs de peau différentes, qu'on ait des petits seins, des gros seins pour les hommes, un petit pénis, un gros pénis. Ça n'a pas d'importance ici. OK? parce que on est ici d'abord et avant tout pour la nature et aussi les gens quand ils se parlent, on se regarde dans les yeux. Donc je le constate rapidement moi aussi. Être nu devant quelqu'un, ça nécessite de soutenir un contact visuel qui est étrangement intime. Parce que, tel que stipulé dans les règlements du centre, les personnes fréquentant Oasis doivent se regarder dans les yeux. Quoique ces propos frôlent parfois le kitsch, Sylvie promeut des valeurs d'acceptation inspirantes. J'ai peut-être juste oublié de mentionner que c'est la santé mentale qu'on vient chercher ici. Tu sais, c'est... Le fait de sortir de tout ça, c'est sabrer tabou-là, de sortir de ces jugements-là, parce que t'es... Tu sais, l'intimidation des jeunes, là. Si tous nos jeunes là, pourraient grandir là, dans la nudité là, totale, là, puis de grandir avec des petits corps, des gros corps, puis tout ça, je suis sûre que ça aiderait à tous les niveaux. Pour ça, moi, j'invite les gens qui ont des complexes, les gens qui... de leur corps... Les gens qui sont pas bien dans leur peau, pour peu importe la raison, je les invite à l'essayer. Et Sylvie a raison. Les études sont unanimes. Vivre nu rend heureux, essentiellement. L'une des recherches les plus importantes dans le domaine, menée par le Dr. Kian West et publiée en 2018 dans le Journal of Happiness Studies, a sondé près de 850 Anglais et a conclu que les naturistes ont une meilleure perception d'eux-mêmes, une plus grande estime personnelle et sont simplement plus satisfaits de leur vie. Ma serviette, ça prend notre serviette. Parfait. J'aime ça. Tu parles fort, comme ça, je vais bien t'entendre. Oui, la voix est développée. Rappelle-moi ton nom. Gemma. OK. Elle, c'est Gemma, la mère de Sylvie, qui se joint à nous. La première chose que je remarque, c'est la généreuse couche de maquillage et les nombreux bijoux qu'elle porte. Ah, il m'appelle et... Madame Bijoux. Ah, c'est ça. Ça, ici, les bijoux, j'en ai un bureau, toute la moitié d'un bureau, c'est rempli. C'est vrai? Si le naturisme permet d'éliminer certains de nos réflexes superficiels, Gemma ne semble voir aucune contradiction au fait de se pomponner comme elle le peut, malgré sa nudité. Elle pratique le naturisme parce que pour elle, c'est une évidence, c'est tout naturel. 43 ans. 46 ans, quoi, 10 ans. Okay. Depuis 60 et... On a commencé en 77. On a vu, on a travaillé un coup ici, là. Là, j'ai toute la famille. Bien du plaisir, puis le monde, tu sais. Les animaux, ça s'habille pas, puis ça, là, fait que... nous, c'est sûr qu'on a une peau, on n'a pas de fourrure comme les animaux, mais... T'es venu au monde nu, tu vas mourir nu. Entre les deux, ben, c'est un choix. Ouais. C'est un choix de vivre nu ou c'est un choix de vivre habillé. Gemma vit depuis 50 ans au centre naturiste. Des souvenirs, des anecdotes, elle en a plein. Ah oui. J'ai déjà vu un chapiteau, 365 personnes j'organisais. Ouais. J'ai des photos de ça. Ouais, fallait ouais, tout ouais. organiser. J'ai jusqu'à fait le costume d'Elvis Presley. Pour Gemma et Sylvie, s'habiller ou être des textiles, comme les naturistes disent, c'est refouler certains instincts primaires. Qui a pas fait le trip de dire « Moi, je veux un chalet et aller me baigner nu dans le lac » ou s'assurer que les voisins sont tous couchés pour aller se baigner dans leur piscine à minuit. Ça fait partie de la nature. Les gens veulent vivre ça. Nous, ce qu'on offre ici, c'est un endroit sécuritaire où ce qu'ils peuvent le vivre. Puis vivre sur... Pour elle, il y a donc une grande part de liberté dans le naturisme. Ou du moins, c'est une idée à laquelle Sylvie et Gemma font souvent référence quand elles parlent de naturisme. Regardez, j'ai dit, j'espère qu'on n'ira pas rester dans la soleil. On est trop bien ici, en liberté. Okay. J'adore ça de m'amourir ici. Okay. Quand je demeurais en ville, mon mari travaillait aussi. On n'était jamais libres. Depuis qu'on est ici, la paix. La paix. Hello. Elles sont aussi d'avis que c'est dans la presque nudité que la curiosité nous joue des tours. Pour elle, être nue, c'est pas provocant. C'est plutôt de l'être à moitié qui l'est. Moi, il y a quelqu'un que j'ai connu jadis qui allait sur les plages puis voyait les filles en monokini, ben pas monokini, mais avec leur bikini, un peu de J-string puis tout ça, petit maillot. C'est très, très, très sexy. C'est très, très, très tentant. Mais tout part de son imaginaire, de ce qu'il s'imagine dans la tête. Ouais. Mais quand que le même gars rencontre la même fille, mais les deux sont nus, il n'y a plus d'imaginaire qui part. C'est tu l'as là. Donc, tu es comme... Tu sais, tu n'as plus de fantasme, tu n'as plus rien. Tout ça tombe. On y va vraiment pour... Sylvie sent le besoin d'insister sur la sécurité à plusieurs reprises au cours de notre conversation. Elle veut être bien claire. Oasis, c'est un centre naturiste familial. La sécurité des gens qui y passent ou y habitent, c'est au cœur de ses préoccupations. C'est pour ça que quand tu fais ça en communauté, il faut quand même que ce soit toujours milieu sécuritaire, parce qu'on, tu sais, c'est sûr que la nudité peut appeler à avoir des voyeurs, comme je disais, ou même on veut pas de pédophile ou quoi que ce soit. Là, tu sais, ça demande une certaine sécurité. Ouais. Là. Aucune provocation. Ça, c'est sacré. Et ça fait partie des règlements. Sylvie est catégorique. La sexualité n'a pas sa place sur le site et les individus qui posent des gestes douteux vont être dénoncés et expulsés immédiatement. Et aussi, aucune sollicitation pour faire de l'échangiste. Ouais. OK? Parce que justement, on veut que ce soit un environnement sain pour faire le naturisme dans la plus pure expression du naturisme. Tu sais? Tenir des conversations vulgaires, observer trop attentivement le corps des autres ou même cacher son regard avec des lunettes fumées, c'est interdit sur le site. Il y a aussi des règlements qui régissent les interactions physiques qui sont permises publiquement. Quand j'ai touché, parce que les gens ne se touchent pas ici, là, on ne parle pas, c'est interdit de toute façon de commencer à se promener en se tenant par la taille ou s'asseoir les uns sur les autres ou quoi que ce soit, ça c'est vraiment interdit. Ça vient encore à... Et les règles se durcissent lors d'activités communautaires. Sylvie et son équipe organisent plusieurs événements et activités pour les résidents, comme des soirées de danse ou de poker, et la nudité n'y est pas permise. On ne veut pas que les gens se rapprochent, les peaux à peau et tout ça, c'est trop sujet à amener des actes sexuels ou de la séduction ou quoi que ce soit. Fait que non, c'est interdit ici de danser nu. Sylvie m'explique qu'il fonctionne par dénonciation. Comme c'est impossible de surveiller tout ce qui se passe sur le site, les personnes jugeant que des gestes déplacés ont été posés peuvent déposer une plainte auprès de la direction du centre. Sylvie dépend donc du jugement de ses résidents pour appliquer ces règlements. Règlements qui se durcissent d'ailleurs pour les hommes seuls. Les hommes seuls, on va les accepter sous certaines conditions. Okay. Les conditions sont à l'effet qu'ils doivent être parrainés par quelqu'un qu'on connaît ici au camping. OK, mettons, moi-même, je connaîtrais quelqu'un qui voudrait le faire, bien, je vais le parrainer parce que je le connais, tout ça. Fait que dans ces conditions-là, on va accepter les hommes seuls ou qu'ils font partie d'associations reconnues, style la Fédération québécoise de naturisme. Ils sont membres de certaines associations parce qu'il y en a, il y a la Fédération canadienne de naturisme aussi. Fait qu'ils sont déjà reconnus comme étant des naturistes. Sylvie me propose de faire le tour du site. On s'installe sur sa voiturette de golf, nos serviettes sous nos fesses. Parce que oui, les personnes fréquentant le site sont tenues de déposer une serviette sur toutes les surfaces sur lesquelles elles s'assoient. C'est une question d'hygiène. Une fois installée, c'est parti pour une balade pendant laquelle Sylvie salue tous les résidents qu'on croise. Oasis, c'est plus qu'un centre, c'est un village. Il y a 107 résidents à l'année et 150 saisonniers qui viennent pour l'été en camping. Lac, piscine, spa, terrain de volleyball, de pétanque, clubhouse, tout y est. Ils sont d'une fierté. Là. Tu vas voir, tantôt, là, on a des maisons avec des aménagements paysagers chinois, tout ça. Là, c'est vraiment beau. Ici, c'est mon frère qui habite ici. Okay. Fait qu'on a toutes, nous, la famille, on est toutes ici. Là. Les gens sont fiers. Là. La majorité sont fiers de leur emplacement. En effet, ici, le centre est impressionnant. De la réception, on se douterait pas que vers le fond du terrain se retrouvent plusieurs terrains sportifs, des vraies maisons avec des cours, des garages, une cabane à sucre, même un boisé. On passe devant la maison d'un résident que Sylvie connaît bien et elle m'invite à aller voir la petite fermette qu'il a construite dans sa cour arrière. Allô, Alain! Allô! Bonjour! Ça va bien? Ouais. On y rencontre Alain, un homme accueillant et bavard d'une cinquantaine d'années. Il vit au centre Oasis à l'année avec sa conjointe, leurs chèvres et leurs poules. Arrête justement de mettre de l'eau pour les poules. Là. Pour les poules. Hey, sweetie. Hey, sunshine. On a commencé là. Oui, elle a au bout complètement qu'on a une petite 16 pieds. Dans l'été, on a tellement aimé ça qu'on a acheté une 27 pieds. Puis l'été d'après, on a acheté la maison. OK. On s'installe sur leur patio. Dans son petit repère qui donne sur un boisé et plus loin derrière un champ, Il m'explique que ce qui le motive, c'est le rapport à la nature qu'il entretient en pratiquant le naturisme. Oui, c'est le fait d'être nous aussi. Mm-hmm. C'est un bien-être que tu es en contact avec la nature directement. Surtout, Alain adore son site et le mode de vie que lui et sa conjointe ont adopté en déménageant ici. T'as les petits animaux, t'as les renards, t'as un renard qui se promène des fois, des petits animaux, il y a des oiseaux, des pique-bois. Les dindes sauvages. Les dindes sauvages. C'est vrai que le centre Oasis peut ressembler à un resort. Les rues sont couvertes de sable fin, les terrains de volleyball abondent. Mais encore là, l'hiver ici, c'est paradisiaque, là. Parce que la neige est blanche. Mm-hmm. C'est pas de la neige de la slush, c'est pas de la gadoue, là. Tu marches, c'est blanc, blanc, blanc, il y a pas rien, il y a pas de calcium, il y a pas rien dans les rues, là. Je me demande évidemment s'ils ne sont pas des choses qu'Alain pourrait simplement retrouver dans un camping dit textile. Mais il est catégorique. Le fait d'être nu change tout. Oui, le fait d'aller te baigner nu, la sensation sur ta peau, prendre ta douche à l'extérieur. C'est quelque chose qu'il faut que tu vives, parce que quand t'as pas vécu ça, tu le sais pas, mais une douche intérieure puis une douche dehors à l'air fraîche, c'est pas toute la même sensation sur ta peau. Mais au-delà du bien-être physique que lui procure le naturisme, Alain insiste sur le sentiment de communauté qui existe au centre Oasis. Parce qu'en fait, il a commencé par essayer les campings textiles. On appelle ça les textiles, pour être reçus comme des chiens d'un jeu quai. Le monde, le seul plaisir qu'il y avait, c'est de rire de nous autres, parce que c'est la première fois que j'avais une roulotte, moi. Okay. Quand on est arrivé sur le camping là-bas pour s'installer, le monde, c'est de se moquer de la manière que j'étais installé. Mais au centre Oasis, il s'est tout de suite senti accueilli. Il courait le monde après nous autres pour venir nous aider. Okay. Puis les premiers qu'on a rencontrés, c'est Vio et Théo en haut. Là. On n'était même pas installés, elle venait nous voir tout de suite. L'eau ici est bonne, mais j'aime mieux pas la voir, ça goûte pas bonne, mais elle est bonne. Évidemment, je me demande si Alain n'établit pas une fausse association en tirant une telle conclusion basée sur une seule expérience en camping textile. Est-ce que les communautés naturistes sont vraiment plus soudées? J'ai pas trouvé d'études prouvant cette association. Mais pour Alain, c'est très clair. Rien que couper les préjugés que les gens peuvent avoir, là. Mmh. C'est du monde qui pense que c'est une gang de dévergondés, puis c'est du monde qui ne savent pas vivre, puis c'est pas vrai, là. On a autant de respect qu'à toutes les autres personnes, puis on respecte autant l'autre personne, là. Mmh. Même s'il y a quoi, je dirais qu'il y a plus de respect d'un camping naturiste que tu vas en avoir dans d'autres domaines, dans d'autres endroits que tu pourrais aller, là, qui n'est pas naturiste. À mon opinion, moi, là. Mmh. Je trouve qu'il y a plus d'hypocrisie, il y a plus de. Il me semble que les mondes sont plus sincères. Le camping naturiste, c'est plus... À plusieurs reprises pendant la journée, les personnes que j'ai rencontrées à Oasis ont témoigné d'une certaine nostalgie. Le centre, c'est plus ce que c'était. Il y en a déjà eu beaucoup. OK. Il y a eu des Noël des campeurs avec des sans-enfants puis tout ça, mais aujourd'hui... Effectivement, j'ai principalement rencontré des couples âgés, retraités. Germain et Louise font du naturisme ensemble depuis une vingtaine d'années. Oui, parce que c'est tout de notre génération maintenant. Là. Je dirais de 50 à 80, là, tu sais, okay. Les campings naturistes. Même si c'est ça, oui. La moyenne d'âge, elle doit être 65, 70 ans. Là, tu sais, okay. Pour des jeunes de 30 ans, là, c'est pas intéressant. Non, c'est ça. Mais il y a pas moins de 10 ans, Oasis était un vrai camping familial. On a travaillé un coup ici, là. Quand on est arrivé, on était 32 familles. Mais il y avait des enfants, par exemple. Il y avait beaucoup d'enfants, ben, à force d'organiser des soirées. Pis, Moi, j'ai commencé il y a 40 ans, là, puis les campings naturistes, il y avait toujours plein d'enfants, là, je dirais 150-200 enfants par camping. Okay. C'était très, très des campings style textile, t'sais, qui étaient avec plein. Chacun amenait 2-3 enfants chaque, là, t'sais, là. Et pour Germain et Louise, cette situation est inquiétante pour l'avenir du naturisme. Où est la relève? C'est très populaire, mais c'est notre génération qui a vieilli, que là, nos enfants sont rendus dans vingtaine, trentaine, ouais. Que eux, ça les intéresse plus, ça. Donc maintenant, c'est seulement notre génération, mm-hmm. Fond, qui fait vraiment du naturisme. C'est même, je dirais, inquiétant, dans 10-15 ans, là, s'il va rester beaucoup de camping naturiste. Ouais. Et Sylvie fait ce qu'elle peut pour pallier à ce phénomène. Une fois par année, on invite, il y a une journée non-naturiste qu'on appelle. Okay. OK? Donc, cette journée-là, les gens, tous les gens qui sont ici, les saisonniers comme les résidents, peuvent inviter leur famille, leurs amis. Ils peuvent venir voir ce que c'est que le camping. Ma journée au centre Oasis m'a permis de comprendre ce qui motive Sylvie, sa mère Gemma et Alain à vivre dans le naturisme. Quoique le plaisir qu'ils associent à certaines activités, comme se baigner nu ou sentir le vent sur leur peau, justifie pour eux partiellement le choix de ce mode de vie, c'est surtout l'acquisition d'une liberté qui les motive. En vivant dans la nudité, ils renouent avec leurs instincts et se libèrent de standards imposés par la société. les formes des corps n'ont plus d'importance, les indicateurs de classe sociale disparaissent. Toutefois, dans un centre familial comme celui d'Oasis, cette liberté a un coût. Elle vient avec des règlements stricts qui dictent les limites de cette liberté. Et ce qui est implicite à ces limites, c'est la tension irrésolue qui existe entre la sexualité et la nudité. Autrement dit, c'est parce que Sylvie sait que, par exemple, certains pourraient être tentés de porter des lunettes teintées pour observer des corps que c'est interdit. À plusieurs reprises au cours de la journée, on me fait comprendre que la philosophie naturiste veut que les corps ne soient que des enveloppes naturelles dont la diversité devrait être célébrée. Pourtant, les règles sont claires. Pas question d'observer ces corps. Comment et pourquoi célébrer quelque chose dont il faut faire abstraction? J'estime donc que c'est pourquoi, au terme de cette expérience, j'ai ressenti une certaine fatigue. Je remets mes vêtements, quitte le site et me sens presque soulagée. Je me demande, qu'est-ce qui est plus naturel, la nudité ou la sexualité? Les instincts sexuels semblent être les seuls éléments réprimés dans une équation qui veut maximiser la liberté. En réfléchissant à cette expérience, je me dis que cette contradiction s'explique par le choix que font les naturistes d'une collectivité et du vivre ensemble qui fait la promotion de leurs valeurs. Après tout, on cherche tous à sentir qu'on appartient à quelque chose. C'était L'été nudiste, un reportage de Florence Larochelle, produit avec l'assistance de Renaud Chicoine-McKenzie, moi-même. Merci à Tracy Lindman, notre mentor dans le cadre du programme de la Canadian Association of Journalists. Notre musique originale est composée par Hugo Mérand. Cette émission est co-réalisée par moi-même, Renaud Chicoine-McKenzie et Paul Fontaine. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec ainsi que l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Je suis Renaud Chicoine-McKenzie et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 8h sur les ondes de CISM pour être, de nouveau, à l'écoute du territoire.